Chapitre deuxième. Lorsque Serrant, resté sur le quai de la gare, vit fuir le wagon qui emportait le général et sa femme, il était véritablement peiné. Une absence de 6 semaines n'avait de quoi le contrister, car il aimait beaucoup, mais beaucoup, la jolie comtesse Marie. Il l'avait surtout prodigieusement aimée, il y avait déjà quelque temps de cela, pendant les 15 premiers jours qui avaient suivi leurs aveux. Ce n'était pas uniquement parce que la comtesse serait prochainement veuve et très riche, que Charles Serrant lui avait adressé sa tendresse. Dans le premier moment, rendons-lui cette justice, il n'avait pensé ni à la fortune ni au veuvage. Il avait trouvé une femme jolie, pleine de charme, naïve, relativement aux choses pratiques de la vie, au-delà de ce qu'il peut s'imaginer, et il lui avait fait une de ces cours discrètes qui seules peuvent réussir près des honnêtes femmes. Du tort qu'il pouvait faire à son vieux parent qui le traitait comme un fils, du trouble et du remords que son amour pouvait apporter dans la vie de la jeune femme, c'est de quoi Charles ne s'était pas préoccupé une minute. S'il fallait penser à ces choses-là, l'existence ne serait plus tenable, et puis, à quoi bon? Mais lorsqu'en réponse à son attitude de soupirant, il avait vu Marie pâlir, puis maigrir, puis léviter, enfin montrer tous les dehors d'une femme qui lutte contre une passion violente, il avait été un peu fier et très ennuyé de voir se compliquer les choses. C'est flatteur d'être l'objet d'un amour véritable, mais c'est aussi bien gênant. Aussi avait-il accueilli comme un message d'en haut la nouvelle que le général était très malade et que, très probablement, il ne verrait point fleurir les lilas. « Je l'épouse, s'était-il dit, quelle excellente affaire et quelle femme adorable !» Il n'eut pas grand-chose à changer à son attitude, car jamais Marie n'avait soupçonné que l'amour témoigné par le jeune homme pût avoir d'autre but qu'un mariage encore éloigné, mais possible, dans l'avenir. Elle l'écouta donc en silence, et leur entretien se termina par ces mots qu'elle prononça en tremblant, comme si c'était la condamnation à mort du général. « Je suis à vous pour la vie et l'éternité. » Le fait semblera peut-être singulier, mais il est positif qu'aux yeux de Charles, Marie perdit beaucoup de ses séductions, à partir du moment où il fut certain qu'elle lui appartiendrait un jour. Ce n'était plus une belle passion avec ses orages et ses jours d'ivresse, mais de bourgeoises fiançailles. L'inattaquable pureté de la jeune femme rendait impossible toute tentative audacieuse. C'est à ce moment, de ce qu'on ne saurait appeler leur liaison, que Hubert de Rivelet se trouva brusquement mis au fait de sentiments qu'il lui préférait ignorer. Avec une diplomatie très simple, il se rapprocha de son ami et s'appliqua à l'étudier de plus près. Dans le monde, on est ami pour ne pas se connaître. On s'appelle mon cher et l'on ne se soucie aucunement l'un de l'autre. Les deux jeunes gens étaient amis de cette façon-là. Hubert résolut de creuser un peu le caractère de l'homme à qui se donnait volontairement la femme qu'il aurait lui si tendrement et si noblement aimé. Ce travail n'était pas compliqué, pas plus que le naturel de Serrant lui-même. Au bout de 6 semaines, Hubert avait acquis la conviction que la jeune comtesse ferait en épousant l'homme aimable dont elle était éprise, ce qu'on appelle un saut au marché. Mais au bout des mêmes 6 semaines, la Providence, qui a ses jours de fantaisie comique, ramenait à Paris le général, non pas moribond, ainsi que l'avaient supposé tous ceux qu'il avait vus partir pour Vichy, y compris le médecin lui-même, mais fort soulagé et disposé, selon toute apparence, à prendre encore quelques bonnes années de vie. Disons-le tout de suite à la louange de la comtesse Marie, elle n'éprouva aucun déplaisir de cette convalescence inopinée. Cette belle petite âme timorée, tout en se laissant égarer dans les rêves lointains d'un amour honnêtement partagé, n'avait jamais envisagé sans un effroi profond la crise inévitable qui devait lui assurer le bonheur. Si la crise reculait, eh bien, en définitive, c'était cela de gagner. Tel l'infortuné qui doit se faire arracher une dent, tout en sachant fort bien que son repos définitif est à ce prix, rentre chez lui sans avoir sonné chez le dentiste pour peu que son ennemi semble s'humaniser le moins du monde. Charles Serrant n'avait point l'âme timorée, et ce ne furent pas des actions de grâce qu'il adressa au ciel en cette occasion. Comme il n'avait pas le sens de la vénération très développée, il s'en exprima avec plus de franchise que de correction, et avec l'heureux à propos des gens gâtés par leur jolie figure, et qui finissent par ne plus se soucier de l'opinion des autres, il versa un jour dans l'oreille de Riblet toute l'humeur que lui causait ce contretemps. « Ce vieux citron, » dit-il, faisant irrévérencieusement allusion à la teinte jaunâtre que la maladie donnait à la peau du général, « ne s'est-il pas mis en tête de se raccrocher à l'existence, moi qui me figurais qu'on l'avait envoyé à Vichy pour y recevoir le coup de grâce ?» Tu as donc quelque chose à gagner à sa mort ? Demanda Hubert. Parbleu. Puis se reprenant, il ajouta comme explication « J'ai 200 000 francs à toucher sur la succession. »« Ce sera bientôt mangé, » fit observer Riblet. Serrant hocha la tête de l'air entendu d'un homme qui en sait plus qu'il n'en veut dire. « Pauvre petite femme, » pensa le confident, « et qu'on n'y peut rien. » Cependant le général, allant de mieux en mieux, l'air du midi lui fut conseillé pour l'hiver, et il résolut de passer un bout de temps à Cannes. La comtesse Marie en éprouva un chagrin violent. Semblable à beaucoup de femmes délicates et fines, elle supportait fort patiemment de ne pas être unie à l'homme qu'elle aimait, pourvu qu'il lui fût permis de le voir très souvent et de causer avec lui. Le son de la voix aimée, une parole de tendresse à la dérober par-ci par-là, servait de pâture à son amour pour des jours, des semaines, et lui constituait une sorte de paradis tranquille où elle vivait repliée sur sa modeste petite félicité. Mais en revanche, la séparation était pour elle le martyre. Vichy apparaissait dans ses souvenirs comme un enfer, une sorte de chaudière où bouillonnaient des malades, des médecins, des hôtels, des heures de bain, des chevaux de louage, des casinos, avec des troupes de comédiens de passage. Tout cela paraissant et disparaissant régulièrement comme des légumes bouillant dans une marmite, de plus noyés dans une vapeur brûlante et nauséabonde. La pauvre femme frissonnait d'horreur en y ressongeant, et cela, parce que les 6 semaines de ses jours s'étaient écoulées loin de l'aimer, ponctuées seulement par 6 lettres, une par semaine, où Charles rendait compte au général de l'état du château et présentait, au-dessus de la signature, ses hommages respectueux à la comtesse. Lorsqu'elle se vit en demeure de recommencer la même vie, c'est-à-dire de supporter une nouvelle séparation, la jeune femme, si douce et si résignée d'ordinaire, éprouva de véritables sentiments de révolte. « Je n'irai pas, non, je n'irai pas !» s'écria-t-elle en frappant du pied un jour qu'elle était toute seule dans sa chambre. « C'est abominable de m'enlever mon unique joie, ma seule consolation. Je dirai au général que je veux rester à Paris. Jamais Charles ne pourra supporter 3 mois de séparation. » Son amour la rendait si audacieuse qu'elle s'enhardit jusqu'à faire ses représentations au général. « Le midi vous convient, mon ami, » lui dit-elle avec beaucoup de mesure et de tact. « Mais moi, vous savez combien je souffre de la chaleur et... »« Je vous entends, ma chère, » répondit-il en l'interrompant. « Vous aimeriez mieux rester à Paris cet hiver, et je le comprends, car ce serait plus amusant. Mon Dieu, vous êtes libre de le faire. Ce n'est pas moi qui vous en empêcherai. Mais si je venais à mourir là-bas pendant que vous seriez ici... Le monde vous jugerait bien sévèrement, et vous-même, Marie, je connais assez votre bon petit cœur pour savoir que vous en auriez beaucoup de chagrin. » Il s'était un peu attendri en parlant. Sa phrase, commencée avec la rudesse amère d'un homme qui se sent de trop dans la vie des autres, avait été terminée avec une douceur presque paternelle. Sa femme se pencha sur lui pour cacher les larmes qui venaient de lui monter aux yeux, et déposa un baiser filial sur le vieux front parcheminé. Elle avait le cœur bien gros, mais elle lui faisait pourtant un monde honorable. Il fallait partir. Point de remède à cette situation, désormais sans issue. Marie eut une inspiration. Dans un moment favorable, elle prit à part Hubert, son ami particulier, auquel, depuis son retour, elle ne pouvait s'empêcher de témoigner une prédilection marquée. « Mon ami, » lui dit-elle avec cette câlinerie innocente qui était chez elle d'un charme si persuasif, « Mon ami véritable, rendez-moi un service, un grand service. »« Elle va faire quelques bêtises, » pensa Hubert. « Je ne puis recevoir de nouvelles directes de Charles, » continua-t-elle avec émotion. « Je lui écris tant que je veux, mais il ne peut pas m'écrire. Mon mari, le plus souvent, oublie de me parler des lettres qu'il reçoit. Écrivez-nous, vous. Et chaque fois, dites-moi un peu, en passant, comme par hasard, ce que fait Charles et comment il va. Je vous en supplie, si vous saviez... Nous resterons là-bas au moins 3 mois. » Elle était prête à pleurer. Ses lèvres tremblaient. Elle avait fort à faire pour se contenir. « Quelle singulière commission !» pensa Hubert, moitié furieux, moitié ému lui-même. « Quand je disais qu'elle allait faire une bêtise, la bêtise est déjà faite, elle lui a écrit. » « A-t-il beaucoup de lettres de vous ? » demanda-t-il au lieu de répondre. « Mais oui, » dit la jeune femme en rougissant, selon sa déplorable habitude. « Ce sera le diable pour les ravoir, » pensa Hubert. « C'est curieux, mais je n'ai pas idée que ce mariage se fasse jamais. »« Soit, » continua-t-il tout haut, « je vous écrirai, ou plutôt, j'écrirai au général toutes les nouvelles de notre monde. »« Pas à moi ? » fit-elle d'un air suppliant. « Non, madame, pas à vous. répliqua le confident d'un air sévère. Il la trouva délicieusement nigaude avec ses ingénuités prodigieuses, et chaque naïveté la lui rendait plus chère, quoi qu'il fît pour s'en défendre. Elle allait lui demander pourquoi, mais elle n'osa pas, à cause du ton grave qu'il avait pris, et elle se contenta de le remercier.